Au fond, c'est juste une vie. Vive allure. À vive allure. Ouais, ouais. Juste une vie. Les tendresses, juste une vie, juste une vie, juste une vie, juste une vie, et ton rêve, et ton rêve, juste une vie, juste une vie, juste une vie, juste une vie, et ton rêve, juste une vie, juste une vie, juste une vie, juste une vie, et ton rêve, juste une vie, juste une vie. Au profond mes pensées s'échappent ces vers mélancoliques. Je relate mon passé comme l'aurait fait un écrivain alcoolique. Trop de soucis, trop d'ennuis, alors pour oublier j'écris. Je passe mes nuits imposées, plein de questions sur cette vie. Mes yeux se sont fermés et un instant j'ai cru aimer. Mais en fait je m'étais trompé, ce n'était qu'un rêve que de courte durée. À l'allure j'ai été pris de vitesse, dépassé par les événements. Je n'ai même pas pris le temps d'apprécier les rares bons moments. Franchement y a tellement de choses que j'aurais dû faire et qui n'est pas faite. Et si ma vie était à refaire, j'en étais plus aucune défaite. Trop souvent j'ai l'impression d'être passé à côté de plein de choses. Plein de choses se sont passées et cela contre mon gré. Je n'ai jamais cru aux sentiments, car les sentiments font tu t'attaches et te font perdre un peu toi-même, te laissant la rage comme héritage. De plus, chaque minute qui passe me rappelle plein de mauvaises images. Si je me souviens bien, dans ce monde on est juste de passage. Le jour où je partirai, sans aucune mèche je m'en irai. Malgré que j'aurais jamais connu l'amour et ses regrets, je ne suis que le reflet de la banlieue et son portrait. Je crois que maintenant, à présent, il est bien temps de concrétiser. Juste une vie, juste une vie. Le temps passe vite comme un chouara. Protège ton domicile pour pas finir dans le trois rats. Les hommes sont comme des porcs puisqu'ils s'emballent. Fini le temps des couches culottes, maintenant c'est le gilet pare-balles. Comme dit Carlito, je tuerai 100 balles. Tu connais le refrain du pauvre, ouais, je tape à 100 balles. Tant que je rime, je rappe et puis je m'arrête plus. C'est comme ces flics qui tapent sur mes potes et qui s'arrêtent pas. Combien de personnes sont mortes d'accidents de moto? Combien de personnes tuent en auto? T'as peut-être connu ce mec qui venait du bled et criait à l'aide face à ses skinheads. Et qui est rentré en puzzle à la baraque. Et ce taxi qui refuse de prendre les négros et les arabes après une heure du mat. Je te parle même pas de ces contrôleurs qui mettent des amendes. Et ces minots qui veulent mettre l'écran à l'amende. Tu connais l'histoire, ses références. Si cette année on fait recette, tout change comme la monnaie en France. Ces grandes rues et ces grands châteaux. Ils oublient souvent ces cités et ces ghettos. Ils en parlent mal trop souvent et ça devient trop souvent. On est sous l'emprise du système. J'ai jamais été condamné. On dit que c'est pas mal pour un mec à bientôt la trentaine d'années. Des faits divers par centaines, par des jeunes cons la quinzaine. Petit délit à l'appel, et puis les juges les rappellent. Et puis c'est la prison ferme, et cela nous concerne tous. Mais ton rêve, juste une vie, juste une vie, juste une vie, juste une vie. Le malheur frappe à ta porte. Colle fort donc ses mesures, récitez donc à tes apôtres. J'ai 22 printemps, tant de talent pour parler de la vie. Laissons le temps au temps, mes récits devenir poésie. Ainsi que ma vie, triste résumé d'un monde insoumis. Et pour s'associer avec le diable, plus d'un six sont mis. Tous perdent le sens des valeurs, la violence prend de l'ampleur. Et quand les temps sont aux fleurs, beaucoup rient de votre malheur. Ainsi s'achève une vie dure, hardcore, tranchant comme un glaive. Qui aurait dit que le mal ne me laisserait aucune trêve? Apparemment aucun de vous. Depuis toujours beaucoup ont de cordes à leur cou. Mon cœur contient en lui toute la tristesse d'une vie. Alors mes vers sont poésie et mes récits sont tragédie. Quand je repense à tout ce que j'ai connu et que je vois plus, au grand bonheur et ses vertus, aujourd'hui je n'y crois plus. Parfois je me demande même s'il n'est pas temps de se repentir. Chercher à s'en sortir, plutôt s'auto-détruire. Le jour du jugement dernier, que Dieu ait pitié de mon âme. Qu'il me pardonne tous mes péchés ainsi que mes fautes graves. Mes fautes graves. Juste une vie, juste une vie. On t'arrête, jeune, tu connais la procédure. Au volant sans ceinture, guette ton rétroviseur. On t'a pris un vivature, vivature. On t'a pris un vivature, en filature. Au volant, ta ceinture, guette ton rétroviseur. En filature, vivature, en filature. Manu Chain, un touche à clic. Et ton rêve, et ton rêve. C'est juste une vie. Et rien d'autre.